Chase Production. J'attends mon tour depuis des années. Dans mon écriture, c'est l'amour que j'ai prôné. Je déballe mes sentiments et ta tête pousse par enchantement. J'attends mon tour depuis des années. Dans mon écriture, c'est l'amour que j'ai prôné. Je déballe mes sentiments, ma tête bouge par enchantement. J'ai la passion pour la musique depuis mon enfance. Chez moi, clavier et guitare me mettaient en transe. J'ai pu écumer les salles de l'Essonne et ça se voit sur le répertoire de mon téléphone. Comme un artiste à la recherche d'un idéal, je poursuivais la quête de cette île-là. Comment réussir avec tant de CD qui sortent, sachant que ceux qui pèsent passent tous par la grande porte. On avance pas à pas avec nos propres moyens. Logic Studio, MPC et tout ce qui nous met bien. Pas de manager, pas de tourneur, mais la hardeur. On fait ce que l'on peut sans attendre de clameur. J'ai eu un coup de foudre pour la scène et elle me l'a bien rendu. J'aime l'entendre crier comme une, même si elle est mal foutue. J'attends mon tour depuis des années. Dans mon écriture, c'est l'amour que j'ai prôné. Je déballe mes sentiments et ta tête pousse par enchantement. J'attends mon tour depuis des années. Dans mon écriture, c'est l'amour que j'ai prôné. Je déballe mes sentiments, ma tête bouge par enchantement. C'est que j'envie ceux qui sont montés au sommet. J'aimerais avoir leur pioche mais je n'ai eu que des boulets. Aucune musculation me procurera autant de plaisir que d'atteindre un objectif avec le sourire. Même si ma musique ne touche que mes proches, je sais que je serai au fond de leur poche. J'aurais dû mettre des numéros sur ma liste, mais mon envol a pris du retard sur la piste. J'ai pris conseil de tout ce que j'ai appris. 3 années perdues dans un groupe où tout était pourri. J'ai pas pris la grosse tête tandis qu'ils enflaient. Ils me traitaient de lorsque je combattais. J'attends mon tour depuis des années. Dans mon écriture, c'est l'amour que j'ai prôné. Je déballe mes sentiments et ta tête pousse par enchantement. J'attends mon tour depuis des années. Dans mon écriture, c'est l'amour que j'ai prôné. Je déballe mes sentiments, ma tête bouge par enchantement.